falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel. You're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space. You're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. In this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything. D'amour, le chanteur a écrit les paroles pour sa petite amie de l'époque, Emily Blunt, en disant qu'il avait écrit la chanson sur ce grand bonheur du véritable amour, et à la fois que c'était aussi une déclaration sur le monde. C'était Michael Bublé, Everything. Le bon plan gratuit du jour. Je vous propose une soirée bien funky pour votre milieu de semaine. Hein. J'annonce, ça va groover ce soir. Je vous emmène au concert de Pat Kalla et le Super Mojo. Ces 5 musiciens de dingue hein, qui vous embarquent sur des rythmes funk and soul et où la chaleur de la cumbia viendra se mélanger. Vous allez danser comme des fous. Le groupe sort son 3e album, Belle Terre, hein, on les arrête plus. Vous avez la chance de les découvrir ce soir ou redécouvrir gratuitement. Ça se passe au Ninkasi Gerland à partir de 20h30. Les bons plans, ça continue en musique dans un instant avec Stevie Wonder, Sir Duke. La récente crise sanitaire a mis en évidence le rôle incontournable joué par le pharmacien en matière de vaccination. Saviez-vous que depuis décembre 2022, votre pharmacien est désormais formé pour répondre à toutes vos interrogations sur la vaccination ? Connaître votre statut vaccinal, préparation d'un séjour à l'étranger, prévention des maladies infectieuses, administration du vaccin ? Votre pharmacien vous accompagne et vous guide à chaque étape. Ceci est un message de l'URPS, pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes. Alors dis-moi, quoi de neuf en ce moment chez But ? Eh bien en ce moment, le crédit gratuit sur 10 mois. Oui, oui, 10 mois sans frais. Sans frais ? C'est génial. Offre valable à partir de 300 euros. Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 800 euros, 10 mensualités de 80 euros. TAEG fixe 0%. Montant total du 800 euros. Intersport, tous pour motiver ! Bon les gars, ce mois-ci, niveau promo, on est motivé de chez Promotivé. Hein. Avec le mois Intersport, sprint final pour les top promos. The North Face, Adidas, Under Armour, Asics, jusqu'au 22 octobre, profitez de jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres.

Le retour de la musique est à suivre. Pour l'heure, on fait le point sur le trafic à Lyon. Info trafic. Bonjour à tous, le service Sunmove de la métropole de Lyon. Vous avez remarqué que la circulation est plutôt fluide. Ça commence tout de même à coincer sur la 46 sud en direction de Paris entre Corba et le nœud de Manicieux, ainsi que sur le périphérique Laurent Bonnevet si vous circulez en direction de Marseille à hauteur de Saint-Fons. D'ailleurs, je vous informe que le périphérique Laurent Bonnevet sera fermé en direction de Marseille entre 21h et 6h cette nuit entre porte de Croix-Luisée et la porte des Essarts. Et sur les mêmes horaires, la rocade Est est également interdite à la circulation en direction de Paris entre le nœud de Manicieux et le nœud des Îles. Plus d'infos sur www.onlymove.com. Les bons plans Lyon Première, 16h-19h. Supplément d'âme, je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. Le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens. Après-midi avec les bons plans Lyon Première, il est 17h. On joue dans quelques minutes, restez avec nous juste avant, c'est le point sur l'actu à Lyon avec Anthony Perel. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous, à la une de l'actu, cette alerte à la bombe à l'aéroport de Bron ce matin. La tour d'aiguillage et deux avions ont été évacués. Des fouilles ont été effectuées et rien n'a été découvert. Le trafic a pu reprendre à la mi-journée. 5 autres aéroports ont été évacués en France pour le même motif. Laurent Wauquiez milite pour la reconnaissance faciale aux abords des lycées. Le président de région s'est confié aux Parisiens aujourd'hui. Si on ne réagit pas, le prochain drame est écrit d'avance, a-t-il dit. Pour lui, le dispositif permettrait de mieux lutter contre le terrorisme. Une sortie qui fait suite à l'attentat d'Arras. Laurent Wauquiez souhaite que l'expérimentation soit menée en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'actualité internationale, la France condamne la frappe sur un hôpital de la bande de Gaza hier soir. Bilan, plus de 200 morts, dont une très grande majorité de civils. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. Toute la lumière devrait être faite. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Le Hamas et Israël se renvoient à la responsabilité de ce drame. Un ancien Premier ministre est à Lyon aujourd'hui. Édouard Philippe est là pour dédicacer son dernier livre qui s'intitule « Des lieux qui disent ». Il est ce soir à la librairie Des Citres de la Place Bellecour. 5000 offres sont à pourvoir. La 8e édition du Village des recruteurs a débuté ce matin au Palais de la Bourse à Lyon. Jusqu'à demain soir, 90 entreprises vous attendent sur place. Tous les postes proposés sont à retrouver sur le site internet de l'événement. N'oubliez pas votre CV si vous souhaitez postuler. Dans le reste de l'actu, l'alerte est levée dans le Rhône. Ça a soufflé fort ces dernières heures. Le département département était en vigilance jaune au vent jusqu'au milieu d'après-midi. Des rafales de plus de 60 km/h ont été annoncées par endroits. Avis aux fans de Rammstein, faites très vite la billetterie pour le concert prévu à Lyon le 15 juin prochain, ouvert à 11h ce matin, et les places de plusieurs catégories étaient déjà épuisées avant midi. Enfin, on passe au sport. En foot, les Bleus se sont facilement imposés contre l'Écosse hier soir. Succès 4-1 grâce notamment à un doublé de Benjamin Pavard. En revanche, en basket, nouveau revers pour l'ASVEL, le troisième en trois matchs d'Euroleague. Défaite 89-84 sur le terrain de l'Efes Istanbul hier soir. Nouveau match en Turquie, demain à Fenerbahçe cette fois. Et on s'intéresse aux prévisions météo. Météo France annonce un temps mitigé et instable pour votre jeudi dans le Rhône, avec des averses orageuses et de grosses rafales de vent sur l'ensemble de la journée. Cependant, quelques éclaircies sont attendues en début de soirée. Côté température, la douceur persiste avec 15 degrés au lever du jour. Le mercure remontera doucement dans l'après-midi avec 17 à Beaujeu, 18 à Amplepuis, Lamur-sur-Azergues et Montsol, comptez 19 à Belleville et Ans, 20 à Neuville et La Rouelle, et enfin 21 degrés à Pusignan et Lyon pour les maximales. Et on passe à la qualité de l'air qui se stabilise, elle reste moyenne sur la région lyonnaise. Vous écoutez les bons plans Lyon Première, Amy Winehouse à suivre. C'est l'histoire de Léo, qui a décidé de créer son entreprise de vêtements de sport, fabriquée à partir de matériaux recyclés. C'est aussi l'histoire de Maxime, conseiller Banque Populaire, qui a cru en son projet et l'a accompagné depuis le début. Ensuite, c'est devenu l'histoire de centaines de sportifs qui, au-delà de leur passion, font un geste responsable pour l'environnement en s'équipant chez Léo. En accompagnant la réussite de plus d'un million de clients entrepreneurs, Banque Populaire porte bien son nom. Banque Populaire, la réussite est en vous. Partenaire premium de Paris 2024. Des bons plans à Lyon, de l'actu locale et de la bonne musique. Lyon Première. Les bons plans Lyon Première avec Cécile Baudet. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. Cause there's nothing you can teach me. But I can learn from Mr. Nicole, ho! I don't- aucune empreinte, aucune trace, aucun profil, aucune photo de face. Pas de préférence, pas de règle, aucune indulgence pour les faibles. Pas de famille proche, pas de lien, pas de sentiment, ça ne sert à rien. Just an illusion.

just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Bonne humeur, ce titre pour finir la journée. C'était Matt Cohn, Don't Worry.

Bonne musique. J'adore sur Lune Première, groupe mythique français des années 80-90 avec la belle voix de Catherine Ringer. C'était Rita Mitsouko, c'est comme ça. Le bon plan gratuit du jour.

Vénissieux, Saint-Priest et Saint-Bonnet-de-Mur, Lyon 1ère 90.2 vous accompagne toute la journée.